marcher la route jusqu'ici. User des jours, user des nuits. Traverser les murs du désert. Rencontrer mille solitaires. Creuser des trous dans ma mémoire. Dormi quand même dans le noir. Blanchi du cheveu et de l'âme. Tirer les leçons de la flamme. De la flamme. Je vis. Dedans mon rêve. choses imaginées et rencontré ma paire d'ailes et me suis amouraché d'elle. On a tâté de l'infini, poussant les frontières à l'oubli. On a redéfini l'amour afin qu'il rime avec toujours. Dans mon rêve.